Devant la mort, par Isabelle Kaiser. C'est le soir après la bataille. Le blessé se soulève un peu et regarde. La voix du canon gronde encore. Des lueurs embrasent l'horizon et des balles attardées rôdent dans les airs. Une plainte monte. Il regarde autour de lui et croise ses yeux captifs d'une vision de cauchemar. La plaine s'étend, noyée d'ombre, mamelonnée de corps d'hommes. Des chevaux errent, la tête pendante, la crinière au vent. Leurs yeux luisent dans la nuit et ils hennissent d'épouvante. Le blessé tâte le sol. Sa main rencontre quelque chose de doux, de lustré et tiède encore. Les flancs raidis de son bon cheval, son camarade. Oui, il se souvient, c'est le soir, après la bataille. Il va mourir là, tout seul, sans secours, sous cette lune qui le regarde. Des vols d'oiseaux tournent, resserrant leur cercle. Ce sont les oiseaux qui, repus et le bec sanglant, s'endormiront ce soir sur la poitrine des soldats morts. Il agite son bras pour effaroucher les hideuses bêtes. Mais je ne tombe pas en pourriture, mais je vis, moi. Il arrache les boutons de l'uniforme humide. À travers ses doigts, un filet chaud glisse. La vie, la belle vie qu'il aimait. Oui, il se souvient. On avait sonné la charge pour le dernier coup de collier. On n'était qu'une poignée. À ces heures, on ne se marchande plus. Sa compagnie avait été foudroyée, son cheval tué sous lui. Il s'était emparé de la baïonnette d'un mort et frappé du bras gauche, un obus ayant emporté son bras droit. Puis, ça avait été comme un grand coup asséné en pleine poitrine. Il était tombé à son tour, presque aussitôt piétiné par les chevaux ennemis. Maintenant, c'est le soir après la bataille. Le capitaine Allard ne veut pas mourir là, dans l'abandon. Les hôtes sinistres qui dépouillent les morts vont venir et le fouilleront, lui prendront ses reliques et l'anneau qui brille à son doigt, l'anneau d'Odette. « Non, non, à l'aide, à moi !» clame sa voix et il arrache des poignées de gazon dont il tamponne sa plaie furieusement. Odette, comme il la revoit, sa petite fiancée, vivante et lumineuse, telle il l'avait vue en ce soir de fête où, entre deux batailles, son cœur de soldat s'était laissé prendre à la paix d'un sourire de jeune fille. Odette. Le fantôme se penche vers lui, mais ne pense pas à ses blessures. Le fantôme fuit, effleurant à peine de ses pieds menus la croupe des cheveux. Odette. Sous sa main, un papier froid s'ébruit. Le blessé l'examine. Une belle et douce pensée console son esprit. C'est une lettre toute chaude, de la chaleur du sein où elle a reposé, la dernière lettre d'Odette. Il l'avait reçue au camp, alors que le clairon sonnait déjà la marche, et n'avait pu la lire. Mais, heureux de la posséder, il l'avait mise sur son cœur, se faisant une armure des paroles d'amour d'une femme. Les balles avaient frappé plus haut, dédaignant l'humble pli, et les balles l'avaient frappé juste. Mais il veut lire, il en est temps encore. Il lui semble que cette lecture sera son cordial pour vivre, ou son viatique pour mourir. Déjà, il a porté l'enveloppe à ses lèvres et la déchire des dents. Maladroitement, il déplie la missive, toute pénétrée d'un parfum d'héliotrope si subtil qu'il domine la pestilence du charnier. Il regarde, mais ne distingue rien. Que faire? Un peu de lumière, une flambée d'allumettes, le sauverait. Il rampe sur les genoux jusqu'auprès d'un blessé qui gémit. Hé, camarade, tu as du feu, camarade ? Mais l'homme n'entend pas. De ses lèvres sort un appel doux, étranger. Meuterlé. Le capitaine Allard retombe, accablé. Mon Dieu, aidez-moi, que je ne morde pas la poussière comme un chien. À moi, à moi ! Là-bas, on dirait des faux follets sur une mare sanglante. Des voix vibrantes de vie énergique s'appellent et se répondent. Le blessé a poussé un cri. C'est la charité qui vient, le secours, les infirmières. À moi, au nom du ciel. Déjà une femme s'est penchée sur lui et porte à ses lèvres la gourde réconfortante. Bois, soldat. Instinctivement, il avale une gorgée qui lui coule comme une caresse chaude le long du corps. Et il regarde celle qui lui verse la vie, peut-être. À la clarté de la lanterne sourde, il distingue, sous la cornelle blanche des hospitalières, un visage émacié. Jeune de beauté morale, et des yeux de douleur et de compassion. Sur la poitrine, Une croix d'argent brille, et résolument, il lui tend la lettre. « Lisez, ma sœur, lisez !» Elle ne prend pas le pli. « Qu'est-ce cela ? Avant tout, qu'on bande votre plaie, vous perdez tout votre sang ?» Il la repousse faiblement d'un geste découragé. « À quoi bon ? Vous voyez bien que je meurs. Laissez-moi, je suis Paul Allard de Châlons, capitaine au 13e de ligne. Lisez-moi cette lettre, par charité. » Il râle déjà, elle obéit. En effet, le flot rouge tarit. L'air babu la généreuse rosée, c'est un condamné. Il n'y a plus qu'à lui accorder la grâce qu'il implore. Il ne vit que par l'attente. Une espérance est dans ses yeux. Il attend sans doute de cette lettre sa dernière joie, le rayon qui l'accompagnera sur la route des ténèbres. C'est donc la lettre d'une amante. Et la religieuse tressaille comme si le vent qui se lève sur le champ de bataille allait réveiller des morts dans son sein. Elle élève sa lanterne, et un jet de clarté inonde le papier. D'un rapide regard, elle parcourt le contenu et souffre de déception. Non, ce qui parle là, ce n'est pas l'amour. Mais vous ne lisez pas, ma sœur. Gémit le mourant avec reproche, et ses yeux où la braise de vie se consume mendient un peu de tendresse. La religieuse se raidit comme si on exigeait d'elle qu'elle commît une mauvaise action. Elle préfère lui asséner au front un coup de crosse qui le tuerait par surprise, plutôt que de lire ces mots qui le frapperaient plus atrocement que des balles. La lettre, dont la banalité avait reçu le baptême rouge du sang, disait « Cher monsieur Paul, la guerre dure trop longtemps. N'en voulez pas celle que vous appelez votre petit oiseau, si elle ne peut vivre quand le canon gronde. Il me faut du soleil et de la musique. Nous partons demain pour l'Espagne. À Séville, il y a des sérénades. Nous n'aurions jamais été heureux ensemble, si jamais vous reveniez de ces affreuses tueries. Vous seriez noir de poudre, et moi, je ne porte que des robes claires. Et puis, vous êtes trop grand. Votre gloire me fait peur. Je ne suis qu'une petite fille, moi. Un soir, j'avais cru vous aimer. C'était pendant une valse lente. Le baron Saval nous a dit que presque tous les survivants des derniers combats seraient mutilés. C'est horrible. Il vaut mieux que nous ne nous revoyions plus. Rendez-moi l'anneau. Adieu, monsieur Paul. Je reste votre petite amie, Odette d'Estanges. » Non, elle ne lirait pas cela. L'inconsciente brutalité d'une enfant frivole qui fuit devant la possibilité d'avoir un fiancé infirme n'abattra pas l'ineffable certitude de ce moribond. Elle se penche vers lui, étant sa mort qu'il la dispenserait de s'acquitter de l'odieux message. Mais le capitaine a rouvert les yeux. « Mais vous ne lisez pas, ma sœur, ou me tuez ?» Elle écrit pourtant très clairement, Odette. « Oh, très clairement !» songe l'infirmière avec une pitié pleine d'amertume. Elle s'est redressée. « Pardon, mon capitaine, mais ma lanterne brûle si mal. » Alors, tandis qu'elle feignait d'activer la flamme, une idée jaillit. Et hardiment, la religieuse qui avait jusqu'alors saintement marché sur la trace de celui qui a dit « Je suis la vérité », résolue de mentir. Non, elle ne lira pas la lettre de cette folle enfant. Mais la missive qui frissonne entre ses doigts et qui a reposé sur la poitrine trouée de ce soldat s'est transformée dans ce bain d'amour. Les scories en ont disparu. Elle est devenue telle que la mérite un homme qui meurt un soir de bataille. C'est une lettre digne de lui et conforme à son rêve, une lettre de femme aimante qu'elle va lire. Personne ne trahira sans subterfuge, et les affres d'une agonie morale seront épargnées à ce héros. Alors, suffoquée d'émotion, la sœur de charité improvisa une lettre d'amour. « Paul, mon cher Paul, où êtes-vous ? Où que vous soyez, je suis avec vous, toute proche. Je vous aime davantage pour chaque danger que vous courez, et quand j'entends siffler les balles sur la ville, j'ai mal comme si toutes elles allaient vous atteindre. Alors j'étends mes mains jointes, il me semble que je peux les détourner par la force de ma prière. À l'ambulance, je soigne des blessés, espérant qu'une autre femme vous prodiguera les mêmes soins si vous souffrez. Que mon amour soit une armure autour de votre corps, que ma pensée soit un casque sur votre front, que ma tendresse rayonne dans vos yeux, si miraculeusement que les ennemis s'arrêtent en vous voyant et disent « Épargnez-le, on l'aime ». Haletante, elle s'interrompt et regarde le blessé. Il s'est soulevé et boit ses paroles comme de l'eau douce. Il sourit délicieusement et son visage, apaisé, est celui d'un convalescent quand le printemps vient. « Plus loin, encore, encore » supplie-t-il. Et, la voix vibrante, la sœur continue. « Mon Paul, si Dieu permettait qu'une balle vous frappât, gloire à vous. Il n'est pas de plus belle mort, mon capitaine. Et je viendrai bientôt. Après le bonheur d'avoir été votre fiancé, ce monde n'a plus rien à m'offrir, je pense. Moi, je vis où vous respirez. Adieu, mon Paul, adieu. Je suis l'air qui vous enveloppe, la bouche qui vous console, la main qui vous soutient et le cœur qui vous aime. Je mets un baiser sur vos lèvres pour que vous viviez, parce que l'amour est plus fort que la mort et je vous aime. » La religieuse se tait. La tâche lui était douce. Elle a parlé sans effort. Elle parlerait ainsi jusqu'à l'aube pour la joie de voir ce visage blême s'illuminer. Agenouillée près de lui, elle soutient sa tête sur son bras et le berce maternellement. Il écoute encore, comme si les paroles qu'il vient d'entendre, multipliées à l'infini, neigeaient sur le champ de bataille et l'enveloppaient d'une muette félicité. Il s'éblottit frileusement contre l'épaule de la sœur de charité et sent passer dans ses cheveux la caresse des doigts de femme. Il ne voit plus le visage penché sur lui, ni la bouche qui laisse tomber des paroles câlines et endormeuses. Il écoute encore. « Je suis l'air qui vous enveloppe, la bouche qui vous console, la main qui vous soutient et le cœur qui vous aime. » Et l'air du soir passe sur son corps. Un bras est passé sous sa nuque. Et sous son oreille, il sent battre une poitrine de femme. « Odette, ma petite Odette, » dit-il très bas. Et la religieuse ne dit pas un mot, ne fait pas un geste qui pourrait troubler la bienheureuse persuasion du mourant. « Je mets un baiser sur vos lèvres pour que vous viviez. Odette, embrasse-moi. » La sœur tressaille. Aucune pudeur ne se révolte en elle. La femme chaste tremble seulement à l'idée d'effleurer une bouche d'homme, mais devant la mort, les puérilités croulent. Du reste, n'avait-elle pas déjà souillé ses lèvres en scellant la vérité? Un baiser ne les profanerait plus après le mensonge. Et tendrement, subjuguée par le désir impérieux du mourant, elle se pencha sur lui et le baisa sur les lèvres. Il mourut ainsi. Et dans le sourire immatériel figé sur le visage du capitaine, la religieuse, s'enorgueillissant du mensonge qu'elle avait commis et du baiser qu'elle avait donné, ne se repentit point de ses péchés. C'était « Devant la mort » par Isabelle Kaiser.